Cordelia, à votre tour, ô notre joie, la dernière, mais non la moindre. Vous, dont le vin de France et le lait de Bourgogne se disputent la jeune prédilection, parlez. Que pouvez-vous dire pour obtenir une part plus opulente que celle de vos sœurs ? Rien, monseigneur. Rien ? Rien. De rien, rien ne peut venir, parlez encore. Malheureuse que je suis, je ne puis soulever mon cœur jusqu'à mes lèvres. J'aime votre majesté comme je le dois, ni plus ni moins. Allons, allons, Cordelia, réformez un peu votre réponse, de peur qu'elle ne nuise à votre fortune. Mon bon seigneur, vous m'avez mis au monde, vous m'avez élevé, vous m'avez aimé. Moi, je vous rends en retour les devoirs auxquels je suis tenu. Je vous obéis, vous aime et vous vénère. Pourquoi mes sœurs ont-elles des maris si, comme elles le disent, elles n'aiment que vous? Peut-être, au jour de mes noces, l'époux dont la mère recevra ma foi emportera-t-il avec lui une moitié de mon amour, de ma sollicitude et de mon dévouement. Assurément, je ne me marierai pas comme mes sœurs, pour n'aimer que mon père. Mais parles-tu du fond du cœur? Oui, mon bon seigneur. Si jeune et si peu tendre. Si jeune, mon seigneur, et si sincère. Soit. Eh bien, que ta sincérité soit ta dot. Car, par le rayonnement sacré du soleil, par les mystères des quêtes de la nuit, par toutes les influences des astres qui nous font exister et cesser d'être, j'abjure à ton égard toute ma sollicitude paternelle, toutes les relations et tous les droits du sang. Je te déclare étrangère à mon cœur et à moi dès ce moment, pour toujours. L'homme qui dévore ses enfants pour assouvir son appétit trouvera dans mon cœur autant de charité, de pitié et de sympathie que toi, m'assieds devant, fille. Quint intervient. Mon bon suzerain. Silence, Quint. Ne vous mettez pas entre le dragon et sa fureur. C'est elle que j'aimais le plus, et je pensais confier mon repos à la tutelle de sa tendresse. Arrière, hors de ma vue! Puisse la tombe me refuser sa paix, si je ne lui retire ici le cœur de son père. Appelez le français. M'obéit-on? Appelez le bourguignon. Cornouailles, Albanie, grossissez de ce tiers la dot de mes deux filles. Que l'orgueil, qu'elle appelle franchise, suffise à la marier. Je vous investis en commun de mon pouvoir, de ma prééminence et des vastes attributs qui escortent la majesté. Nous-mêmes, avec 100 chevaliers que nous nous réservons et qui seront entretenus à vos frais, nous ferons alternativement chez chacun de vous un séjour mensuel. Nous ne voulons garder que le titre et le nom d'un roi. L'autorité, le revenu, le gouvernement des affaires, je vous abandonne tout cela, fils bien-aimé. Pour gage, voici la couronne. Partagez-vous-la. Il se démet de sa couronne.